de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. C'est le moment de retrouver votre émission d'apprentissage de la langue bretonne, Hint à Brezhoneck, en compagnie, comme chaque semaine, d'Henri Lenaou. On commence par le numéro de l'émission. Oui. Pemkan à Daugen. 540. Pemkan à Daugen, c'est la donc 540e édition. Il y a un an, on a enregistré à Saint-Nicodème la 500. Ah mais oui, c'est vrai. On avait fait l'anniversaire de la 500e. Ouais. Voilà. C'était formidable d'ailleurs. Ouais, il y avait plein de monde. Ouais, c'était il y avait la télé, tout ça, c'était fou. Ouais, c'était sympathique. Et on commence par Gary Warvue, Henri, avec un mot nouveau. Oui, un mot qu'on entend assez souvent, qu'on emploie d'ailleurs, c'est qu'un. Alors, ça s'écrit queuse. Hein. C'est pour ça que j'avais pas compris. K-E-U-Z. Ils sont bizarres hein, quand même, les Bretons. Ça, c'est... Voilà. Nous, chez nous, on dit tiens. Ah ben oui. Comme cleuse, c'est pareil pour le fossé, on dit clin aussi. Ouais. Pour le talus, quoi, je veux dire. Clin. Oui, ben, le talus vient du nom du fossé, quoi, en fait. C'est vrai. Oui, parce que c'est cleuse, on creuse pour faire une levée de terre, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, dans le Pays Gallo, ils appellent un fossé un talus, quoi. Ouais. Et c'est très important, les talus. Voilà, ben, certainement. Il faut essayer de les sauver au maximum. Voilà. Alors, c'était pas sur le talus que je pensais me diriger. C'est sur tiens. Alors, ça se prononce comme on dirait tiens en français, quoi. Hein. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Mais bon, dans d'autres régions de Bretagne, on prononce que ça. Alors, par exemple, on trouve ça dans un balpline. Hein. Oh, mi me tiens de me voir. C'est pas très triste. Je regrette. Donc ça désigne le regret. Le regret. Hein. Et donc là, la chanson dit hein, « Je regrette mon mort qui est parti en terre ». Et puis après, elle énumère la chanson les différentes raisons. L'amour de Rochelle Venzo et de Gantan Wanigain à cause de la chemise blanche, les chaussures, tout ça. C'est très matérialiste. Voilà. Alors, la goutte de Gantan Warigouk, à cause du petit coup de goutte qui est allé avec lui dans son cou aussi. Alors, c'est un mot qui est issu d'un vieux mot celtique, hein, qui devait se prononcer cadeau ou quelque chose comme ça, et qu'on trouve aussi en gallois et en cornique. Hein. Et il y a beaucoup de dérivés, par exemple, queuse édicate, hein, chagriné, hein. Queusiat, une offense. Alors, c'est un mot masculin, donc ça donne heusiat. Hein. Le verbe queusine, regretter, qu'on n'emploie pratiquement pas. On dit ka tiens, hein. Ka tiens. Tiens, meuse, gualdien, meuse, hein. Je regrette vraiment. Hein. Voilà. Queusus, l'adjectif, hein, qui veut dire regrettable, déplorable. Hein. Alors, il y a beaucoup d'expressions. Hein, où on trouve ce mot, par exemple, tiens, ve derma do aler, wa kemedovij, wa bederog, awa bakant, ba, course au rostren. Alors, qu'un est toujours derrière, c'est-à-dire, les regrets viennent toujours après, hein, et une seule fois, ils sont venus avant, c'était aux courses de rostronin, parce que c'était le nom d'un cheval. Un cheval qui s'appelait tiens. Ah bah oui, et puis on a une possibilité de vérifier au niveau scientifique quasiment cet argument, Henri. Oui, bah oui, oui, oui. Voilà. Alors, ça veut dire tiens, grand temps. Ça veut dire tiens, grand temps. Et, il lui est venu du regret, hein, par exemple. Ou alors quand on dit à quelqu'un, ne peau que tiens, tu ne regretteras pas. Quand on lui promet quelque chose et on lui dit tu ne regretteras pas. Hein. Voilà. Hard en tiens, c'est-à-dire semer du regret, c'est-à-dire préparer le regret, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas bon, quoi, qui prépare le fait de le regretter. Hein. Quelqu'un dont on dit ne ratine, n'a tiens, n'a joie. Il n'a plus ni peine ni joie, c'est-à-dire que il s'intéresse plus à rien, quoi. Hein, quelqu'un qui est fatigué, voilà. Alors tiens, Védermal ou à l'air, Une autre formule du même genre, tiens rogne vecket, tiens walerne dalfket. Donc il n'y a pas de regrets avant et les regrets après ne servent à rien. Eh ben, on espère qu'on ne regrettera pas trop de choses, nous. Non, ça va aller, je pense. On n'a rien à regretter. Allez, on passe à la seconde partie de Hentan Brezonek. Brezonek, tant ma tombe. Et dans ce Brezonek tant ma tombe, ce n'est pas un dialogue que nous verrons aujourd'hui, Henri. Non, on ne va pas aller à Zantolog aujourd'hui. J'avais envie de parler de l'expression qu'on entend toujours et qu'on entend très fréquemment, « Nekemames Brezonek ». Ah, ça, c'est clair, c'est tout le temps. C'est tout le temps. « Nekemames Brezonek ». J'ai encore entendu l'autre jour, donc je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on parle de ça quand même. Vaste programme. Oui. Alors, c'est une formule qui pourrait être employée d'une façon positive, hein, pour souligner la richesse du breton et de ses formes dialectales, hein, puisque il y a une très grande richesse, hein, du fait des dialectes. Mais généralement, c'est employé de façon négative. Hein. Et donc, « n'est que même Brezonek ». Alors, les bretons sont assez surprenants pour ça, parce que chacun dit que le breton de l'autre est mauvais, quoi. J'avais entendu, c'était Armand Tosser dans un stage en France, où j'étais allé raconter une histoire ou deux, là. Et j'avais assisté à une de ses interventions, Armand Tosser, qui est un personnage intéressant, et qui disait, Brezon de Fal, Brezon de Garéal. Du mauvais breton, le breton d'un autre. Voilà. Alors, bien sûr, ça traduit la variété, et c'est une forme d'intolérance, hein, entre bretonnants, qui est extrêmement répandue. D'ailleurs, les gens qui veulent apprendre le breton ont beaucoup de mal, puisque quand ils essaient de parler avec des bretonnants de naissance, on leur trouve toujours des défauts. T'as pas le droit de faire des fautes en breton. Donc, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, hein. Et puis. Et alors, mais toi, Henri, t'es pas comme ça, quand même. Ah non, moi, j'essaie d'aider les gens. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on ne dit jamais « n'est que mames galak ». C'est pas le même français. L'autre jour, j'étais en train d'écouter, dans l'étrange lucarne, ici, là, un philosophe patenté, là, qui s'appelle Finkielkraut, pour pas le nommer, et qui expliquait d'une façon extrêmement ténébreuse un point obscur de sa doctrine. Et je me disais, mais Pius au cap de comprenendins, qui est capable de comprendre le dialecte, finalement, que parle cet homme-là, quoi. Et je suis sûr que personne n'a dit c'est pas le même français. C'est tout à fait étonnant, quoi. Hein, quelle que soit la variété, on n'oserait jamais dire ça du français. Tandis qu'en breton, on n'est que même breton. Pour l'anglais, d'ailleurs, on ne dit pas non plus. Hein. It's not the same English. On ne dit pas ça non plus. Et pourtant, l'anglais est aussi différent. Alors, les variétés d'anglais sont extrêmement différentes. Et on n'a jamais ça, quoi. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que je pense que il faudrait que les Bretons fassent des efforts. D'autant plus que maintenant, au départ, il y avait les 4 ou 5 dialectes. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais disons KLT et Gwenedur. Mais maintenant, les gens, finalement, chacun, après, comme il y a beaucoup de néo-bretonnants, chacun finalement adapte. On entend par exemple des gens qui parlent le KLT avec un accent Vente, par exemple, et même avec des morceaux de Vente dedans. Donc, chaque individu, pratiquement, maintenant, a son dialecte. Donc, c'est une richesse extraordinaire, quoi. Et je pense que si on en tirait profit, ce serait mieux que de dire toujours « Nekem Amas Brezondok ». Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Allez, on passe à la troisième partie. Petra Zonnevervo, ce sera le moment de prendre des nouvelles du pays. Petra Zonnevervo, Iri. Ben, calzedrau, evel jus, buervej diuzan. Krogum, dientiantan, evel kiz acustum, gandela bourdouar, agervu e war armez. Erion breman, ben eve amzer, quelle meuse war hard de calze maïs, war troadro, aye rouz de hard de maïs, agemeuse quelle war laket calze maïs d'indant plastique, mais de un amzer chomazir, me mestra, bedezir pas de nan, pas de gonvi. Vilpilar in mod, hag matef e un tom tomder, hag o bordour e febe mod vid ar maiz a vid un trevad a-well. Peuske kleve de goukou, gwaz? Geo! Geo? Oh, ya. Ya kleve meus oa e bavro, me mi meuske kleve ney. Met spi meus oa, spudur, ka e bop d'arm an de tre tiermon ou ta goukou, quoi. Bon, vider un grand labour douar, blamant zo bed em vodou un dou syndicat de labourer yon douar, zo babrovrans, oa babreiz, blamme, ba mizmeur zo em vodou un FNSEA, oa ba brest, hag oa l'air zo bed em vodou honf, honfédération, zo bed ba muziak. Hag un daou syndikat zeun eus menoz yu diz henvel war la bourdouar, me mestra vel an vit trao zo, un en ketien pelz neid deus e dile. Da skouer vit de pez zel deus bo Europa, meus len de ba, pez o beskri vel oa lerze, benefin oan ketien pelz deus de jonge allemand meus mot, ka an ou neun vefe bet te fe provrans, mez deus Europa, plur zezo bouez evit de un air en gonne quand laborer yon doua. Evit un FNSEA, gout de rang vraiment piouzo président, hein, et Christian Lambert, dur président de cause ou amar bamis meurs, bamis ouir et pelarin mot, hag Christian Lambert, zo vedi lennet, a hon so plar pempla a Hunter Kahn, a zo sevel mor babro Angers. Bon, c'est tu on tente de spécio neve war un la bordoua. War da chenor politique rez bon cri a cal de be de un amzer kambali hein, rogen dro tient en evid en votadak. Ag bon vraiment vos red gwel de pesaran hay de président noir cadre d'Agobert vela et bon je compte. L'armoidar vegel wa begoulot gan rewa rank. Pet jonjen deus yez ou gwasket, hag zo tri en eus respontet, de l'ar doan yo du, evit ve vo zikour d'or yez ou gwasket, hae Philippe Poutou, a Benoît Hamon, a Emmanuel Macron. Rel n'en ke respont man bet, ma trez en n'en ke di den ganze. Bon, or, ze oa begou le gante gant strolat an hant veut de Hélène, hein, zo strolat o ruedat pilar in mod de war bo pro Europa et vi diven ar yezou gwasket. Dans bon temps, war dach en ar zevenadur. Vraiment. Quand l'asso, berzek des misébre le minor an seitek, waet de nan an Ludwig Lazar Zamenhof. Ludwig Lazar Zamenhof, Zamenhof, pelarin mat, zo oata de riez etre evroadel zo randvel un esperantek. Un esperanto, un esperanto, hag un esperantek un brezondek. Hag a setu pereg neus divise de UNESCO ober deus ur bla daouvi seitek, ur bla Zamenhof. Zamenhof oa begandet ba no, ba un tamtier gerriaden deus bro Pologne, hag enan oa tud o komz yezou diz henvel, dern gonte russiandek, dern gonte alamandek, dern gonte yiddish, a dern gonte polonek. A setu ni oa jonj, dwi je bemat kad o yez, dor liam tre tout d'un dut se. Hag setu neus ged o yez, gant o yez zav gantan, hein. Gant tap o gerio un tamm deus pep sur yez deus e lat in Dreistol. Hag bon, setu war ur bet zo tro da ou milion de dut hag zo hag war esperantek tam pedam. Hag hez ni oa gred bla mileiskan seiz a perugel ni oa gred tient an lever Esperantek. Eguit, Russian ne oa begret, hag oa l'air oa betro de Galag, Polonag, Italianag, Zoznag. A Triblasso begret kentelio Esperantek ba bour purut gant Alain Bournel. Hag breiz an meus o dro ar dro pem kan dud hag war Esperantek. A bep trimis ve imbande gante ar gelaouen un Esperantek. Ouais. Bon, c'est eu un temps de spécial moyen de l'art war en drasé. Puis on compte de Scandlasso. Scandlasso, ben, quasi war, ben, même se déo. Puis dur, père des rogues Zamenhof. Ou à Bélard, à Dianberg, alors, ben, war en Talben, ben, Brezel Perzek. À Dianberg, alors, ou à Ondine de The Innes Grace. Hag gannet ba emileiz kan eiz a perugen. hag deus o fomm mi pesketerien oa, hag ni oa skriv de abrid, ni oa krog de skriv o barzonegu, din dan ur naout bluen bleimor. Hag barzonegu zez o bet imbanne de eisla oa ler oa mar yon berg kalor, quoi. Hag en bet laket ban o lever zo begret gante ar eudelin, zez in fia war an daoulin, brezan de velve komz de dame. Nekem ham eus brezan de velve lar d'aliz. Hag bon o nant zo an avet ma de mis o gant de kreiz ur mor, oa bet laket gret un ton gant de Paul de Flemme, a zo gant gant kalz gant erien. Vel Gilles Servan et Neveso, mais quand calzerait le rogue. Mise au grand le Kreiser mot, terre les Hermès. Bonne. Neveso, puis on compte ce stud est de Nornang, mais Remo aide quand l'assaut de Nornang, mais Neveso et aide Victor Hunter de Scalac de Nornang. Hag Victor Hunter, où on dîne Trisegla à Perugen. A oa chom bakalag hag hez war eo bern tro war nam zur gwezhel a war yezek hag meus betro de d'or prezegen o gantan dipede ar gwezh a jul gwezh meus bet kalz oblijadur ka o spered lem moa hag o brezon hag ar ampar doa hag bon setu eet nan an bremañ. Kleud ebet an war RKB Spenovich. Bon. Trise glaso, ba Bladoville père, oa bekrou de nabrad enman, oa RKV, et d'en brezan, gant Josette Duvivier, hag bon, dustu oa begret terlo den velvegret bremañ. A oa l'air, moa, gant Josette, moa gret perrugen abad, a oa l'air, om skrog ganar, Morgan, a Waler, Grandan le Brigand, à Gadar et Gandar. A Setu au Blasso, moi-même, en rôle de Bazanigouden, Nabaden Pemkan. A Wa Bit Kalzadu de Mignonne de Tevel, à de Gamber Pers, à Ziwa Brau. A Walerid, même que Get Tree, Dower, Doa bad en hantar kan, met da ugen zo gren me mestra boe. Bon, pi kom bon tom de spesone e bavro, Marcel en douche de Zbourvriak, zo ed war war houarn war hen Barcelone en del, hag ba de pempe war a mis me vo ba Barcelone, hag zen eus gred evit zer e an tamer an vid strolad ou ar awardro ur lem jom de sko enan. Marcel en douche ne seis la seite gla a trug enan. Hag aliz e beklet ba RKB, ya ya dondor a vez genam zor de RKB, quoi. Bon, setu NDL roaz ba hasel nevi oa bod do spendo an edu de gant oa de zon sa le semble zon Luzak Sunyar aze an un kand de kand o un dolario zon en Amerik ya hag bon zezo plijus gwell en mestra ze veget tro un dro d'or brezon hag ad ar hand ka ur mar e bom ar tristidig un tom un tro wardach en ar brezon me mestra blan me vo gred wardach en ar brezon vo gred gwell broa de l'or brezon hag ba lant gronet hag o gret blanc me. Bon, ze oa bekrou et pelzo a vej o vek gret, vej o vek gret, met c'ha deux de. A vraiment me zang o gret bebeg bla, gant ar edad hag o vej o bla o ged ar edad hag o bla el o gret gwell breoa de la brezon hag. A ze zo mad der an trao war a dache de brezon hag. Bon, setu mem gen un tamp tro de spesone ve bavro. Kenon Eri. Ya, tienon Morgane.